La cité de Dieu de Saint Augustin. Livre, 22e, Bonheur des saints. Tome 4e, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile Edmond, Cessé. Chapitre 27. Des opinions contraires de Platon et de Porphyre, lesquelles les eussent conduits à la vérité, si chacun d'eux avait voulu céder quelque chose à l'autre. Platon et Porphyre ont aperçu chacun certaines vérités qui peut-être en auraient fait des chrétiens, s'ils avaient pu se les communiquer l'un à l'autre. Platon avance que les âmes ne peuvent être éternellement sans corps, de sorte que celles-mêmes des sages retourneront à la vie corporelle, après un long espace de temps. Note. Encore une fois, Platon n'enseigne pas cela. Et il enseigne même tout le contraire dans le Phèdre, le Gorgias, le Phédon, le Timée et la République. Fin de la note. Porphyre déclare que lorsque l'âme parfaitement purifiée sera retournée au Père, elle ne reviendra jamais aux misères de cette vie. Si Platon avait persuadé à Porphyre cette vérité, que sa raison avait conçue, que les âmes même des hommes justes et sages retourneront des corps humains. Et si Porphyre eût fait part à Platon de cette autre vérité, qu'il avait établie, que les âmes des saints ne reviendront jamais aux misères d'un corps corruptible, je pense qu'ils auraient bien vu qu'il s'ensuit de là que les âmes doivent retourner dans des corps, mais dans des corps immortels et incorruptibles. Que Porphyre dise donc avec Platon, elles retourneront dans des corps. Que Platon dise avec Porphyre, elles ne retourneront pas à leur première misère. Ils reconnaîtront alors tous deux qu'elles retourneront des corps où elles ne souffriront plus rien. Ce n'est autre chose que ce que Dieu a promis, savoir l'éternelle félicité des âmes dans des corps immortels. Et maintenant, une fois accordé que les âmes des saints retourneront des corps immortels, je pense qu'ils n'auraient pas beaucoup de peine à leur permettre de retourner en ceux où ils ont souffert les maux de la terre, et où ils ont religieusement servi Dieu pour être délivrés de tout mal. Chapitre 28. Comment Platon, l'Abéon et même Varron auraient pu voir la vérité de la résurrection de la chair, s'ils avaient réuni leurs opinions en une seule. Quelques-uns des nôtres, qui aiment Platon à cause de la beauté de son style et de quelques vérités répandues dans ses écrits, disent qu'ils professent à peu près le même sentiment que nous sur la résurrection. Mais Cicéron, qui en touche un mot dans sa République, laisse voir que le célèbre philosophe a plutôt voulu se jouer que dire ce qu'il croyait véritable. Platon, en effet, introduit dans un de ses dialogues un homme ressuscité qui fait des récits conformes aux sentiments des platoniciens. Voyez à la fin de la République de Platon, livre 10, le mythe des Larméniens. L'Abéon, voyez livre 2 chapitre 11, rapporte aussi que deux hommes morts le même jour se rencontrèrent dans un carrefour, et qu'ensuite, ayant reçu l'ordre de retourner dans leur corps, ils se jurèrent une parfaite amitié, qui dura jusqu'à ce qu'ils moururent de nouveau. Mais ces sortes de résurrections sont comme celles des personnes que nous savons avoir été de nos jours rendues à la vie, mais non pas pour ne plus mourir. Varron rapporte quelque chose de plus merveilleux dans son traité, de l'origine du peuple romain. Voici ses propres paroles. Quelques astrologues ont écrit que les hommes sont destinés à une renaissance qu'ils appellent palingénésie, et ils en fixent l'époque à 440 ans après la mort. À ce moment, l'âme reprendra le même corps qu'elle avait auparavant. Ce que Varron et ses astrologues, je ne sais lesquels, car ils ne les nomment point, disent ici, n'est pas absolument vrai, puisque, lorsque les âmes seront revenues à leur corps, elles ne les quitteront plus. mais au moins cela renverse-t-il beaucoup d'arguments que nos adversaires tirent d'une prétendue impossibilité. En effet, les païens qui ont été de ce sentiment n'ont donc pas estimé que des corps évaporés dans l'air, ou écoulés en eau, ou réduits en cendres et en poussière, ou passés dans la substance soit des bêtes, soit des hommes, ne puissent être rétablis en leur premier état. Si donc Platon et Porphyre, ou plutôt ceux qui les aimaient qui sont actuellement en vie, tiennent que les âmes purifiées retourneront dans des corps, comme le dit Platon, et que néanmoins elles ne reviendront point à leur misère, comme le veut Porphyre, c'est-à-dire s'ils tiennent ce qu'enseigne notre religion, qu'elles rentreront dans des corps où elles demeureront éternellement sans souffrir aucun mal, il ne leur reste plus qu'à dire avec Varron qu'elles retourneront au même corps qu'elles animaient primitivement, et toute la question de la résurrection sera résolue. Chapitre 29. De la nature de la vision par laquelle les saints connaîtront Dieu dans la vie future. Voyons maintenant, autant qu'il plaira à Dieu de nous éclairer, ce que les saints feront dans leurs corps immortels et spirituels, alors que leur chair ne vivra plus charnellement, mais spirituellement. Pour avouer avec franchise ce qui en est, je ne sais quelle sera cette action, ou plutôt ce calme et ce repos dont ils les jouiront. Les sens du corps ne m'en ont jamais donné aucune idée, et quant à l'intelligence, qu'est-ce que toute la nôtre, en comparaison d'un si grand objet? C'est au séjour céleste que règne cette paix de Dieu, qui, comme dit l'apôtre, surpasse tout entendement. Philippiens 4, 7. Quel entendement, sinon le nôtre, ou peut-être même celui des anges, mais elle ne surpasse pas celui de Dieu. Si donc les saints doivent vivre dans la paix de Dieu, assurément la paix où ils doivent vivre surpasse tout entendement. Qu'elle surpasse le nôtre, il n'en faut point douter, mais si elle surpasse même celui des anges, comme il semble que l'apôtre le donne à penser, qui dit tout n'acceptant rien, il faut appliquer ces paroles à la paix dont jouit Dieu, et dire que ni nous, ni les anges même ne la peuvent connaître comme Dieu la connaît. Ainsi elle surpasse tout autre entendement que le sien. Mais de même que nous participerons un jour, selon notre faible capacité, à cette paix, soit en nous-mêmes, soit en notre prochain, soit en Dieu, en tant qu'il est notre souverain bien. Ainsi les anges la connaissent aujourd'hui autant qu'ils en sont capables, et les hommes aussi, mais beaucoup moins qu'eux, tout avancé qu'ils soient dans les voies spirituelles. Quel homme, en effet, peut surpasser celui qui a dit, « Nous connaissons en partie, et en partie nous devinons, jusqu'au jour où le parfait s'accomplira. » 1 Corinthiens 13, 9, 10. Et ailleurs, nous ne voyons maintenant que comme dans un miroir et en énigme, mais alors nous verrons face à face. 1 Corinthiens 13, 12. C'est ainsi que voient déjà les saints anges, qui sont aussi appelés nos anges, parce que, depuis que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés au royaume de Jésus-Christ, après avoir reçu le Saint-Esprit pour gage de notre réconciliation, nous commençons à appartenir à ces anges avec qui nous posséderons en commun cette sainte et chère cité de Dieu, sur laquelle nous avons déjà écrit tant de livres. Les anges de Dieu sont donc nos anges, comme le Christ de Dieu est notre Christ. Ils sont les anges de Dieu, parce qu'ils ne l'ont point abandonné, et ils sont nos anges, parce que nous commençons à être leurs concitoyens. C'est ce qui a fait dire à notre Seigneur, « Prenez bien garde de ne mépriser aucun de ces petits, car je vous assure que leurs anges voient sans cesse la face de mon Père dans le ciel. » Matthieu 18, 10. Nous la verrons, nous aussi, comme il la voit, mais nous ne la voyons pas encore de cette façon, D'où vient cette parole de l'apôtre, que j'ai rapportée, nous ne voyons maintenant que dans un miroir et en énigme, mais alors nous verrons face à face. Cette vision nous est réservée pour récompense de notre foi, et saint Jean parle ainsi. Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3:2. Il est clair que dans ces passages, par la face de Dieu, on doit entendre ses manifestations, et non cette partie de notre corps que nous appelons ainsi. Comparez une belle lettre de saint Augustin, numéro 147, sur la vision de Dieu, et les rétractations, livre 2, chapitre 41. C'est pourquoi quand on me demande ce que feront les saints dans leur corps spirituel, je ne dis pas ce que je vois, mais ce que je crois, suivant cette parole du psaume. J'ai cru, et c'est ce qui m'a fait parler. Psaume 115, 10. Je dis donc que c'est dans ce corps qu'ils verront Dieu, mais de savoir s'ils le verront par ce corps, comme maintenant nous voyons le soleil, la lune, les étoiles et les autres objets sensibles, ce n'est pas une petite question. Il est dur de dire que les saints ne pourront alors ouvrir et fermer les yeux quand il leur plaira, mais il est encore plus dur de dire que quiconque fermera les yeux ne verra pas Dieu. Si Élisée, quoique absent de corps, vit son serviteur Jésus qui prenait, se croyant inaperçu, des présents de Naaman le Syrien que le prophète avait guéri de la lèpre. 74 Rois 5, 8 à 27. À combien plus forte raison les saints verront-ils toutes choses dans ce corps spirituel, non seulement ayant les yeux fermés, mais même étant corporellement absent? Ce sera alors le temps de cette perfection dont parle l'apôtre, quand il dit « Nous connaissons en partie et en partie nous devinons, mais quand le parfait sera arrivé, le partiel sera aboli. » Pour montrer ensuite par une sorte de comparaison combien cette vie, quelque progrès qu'on y fasse dans la vertu, est différente de l'autre. Quand j'étais enfant, dit-il, je jugeais en enfant, je raisonnais en enfant, mais lorsque je suis devenu homme, je me suis défait de tout ce qui tenait de l'enfant. Nous ne voyons maintenant que comme dans un miroir et en énigme, mais alors nous verrons face à face. Je ne connais maintenant qu'en partie, mais je connaîtrai alors comme je suis connu. 1 Corinthiens 13, 11-12. Si donc en cette vie, où la connaissance des plus grands prophètes ne mérite pas plus d'être comparée à celle que nous aurons dans la vie future, qu'un enfant n'est comparable à un homme fait, Élisée tout absent qu'il était, vit son serviteur qui prenait des présents, dirons-nous que, lorsque le parfait sera arrivé et que le corps corruptible n'apesantira plus l'âme, les saints auront besoin pour voir des yeux dont le prophète Élisée n'eut pas besoin? Voici comment ce prophète parle à Jésus, selon la version des Septante. Mon esprit n'allait-il pas avec toi, et ne sais-je pas que Naaman est sorti de son char au devant de toi et que tu as accepté de l'argent? Ou comme le prêtre Jérôme traduit sur l'hébreu, mon esprit n'était-il pas présent, quand Naaman est descendu de son char pour aller au devant de toi? 74 Rois 5, 26. Le prophète dit qu'il vit cela avec son esprit, aidé sans doute surnaturellement d'en haut. À combien plus forte raison, les saints recevront-ils cette grâce du ciel, lorsque Dieu sera tout en tous? 1 Corinthiens 15-28. Toutefois les yeux du corps auront aussi leur fonction et seront à leur place, et l'esprit s'en servira par le ministère du corps spirituel. Bien que le prophète Élisée n'ait pas eu besoin de ses yeux pour voir son serviteur absent, ce n'est pas à dire qu'il ne s'en servit point pour voir les objets présents, qu'il pouvait néanmoins voir aussi avec son esprit, bien qu'il fermât ses yeux, comme il en vit qui était loin de lui. Gardons-nous donc de dire que les saints ne verront pas Dieu en l'autre vie les yeux fermés, puisqu'ils le verront toujours avec l'esprit. La question est de savoir s'ils le verront aussi avec les yeux du corps, quand ils les auront ouverts. Si leurs yeux, tout spirituels qu'ils seront dans leur corps spirituel, n'ont pas plus de vertu que n'en ont les nôtres maintenant, il est certain qu'ils ne leur serviront point à voir Dieu. Ils auront donc une vertu infiniment plus grande, si, par leurs moyens, on voit cette nature immatérielle qui n'est point contenue dans un lieu limité, mais qui est tout entière partout. Quoique nous disions en effet que Dieu est au ciel et sur la terre, selon ce qu'il dit lui-même par le prophète, « Je remplis le ciel et la terre », Jérémie 23, 24. Il ne s'ensuit pas qu'il ait une partie de lui-même dans le ciel et une autre sur la terre, mais il est tout entier dans le ciel et tout entier sur la terre, non en divers temps, mais à la fois, ce qui est impossible à toute nature corporelle. Les yeux des saints auront donc alors une infiniment plus grande vertu, par où je n'entends pas dire qu'ils auront la vue plus perçante que celle qu'on attribue aux aigles ou aux serpents, car ces animaux, quelque clairvoyants qu'ils soient, ne sauraient voir que des corps, au lieu que les yeux des saints verront même des choses incorporelles. Telle était peut-être cette vertu qui fut donnée au saint homme Job, quand il disait à Dieu, « Auparavant je vous entendais, mais à cette heure mon œil vous voit, c'est pourquoi je me suis méprisé moi-même, je me suis comme fondu devant vous, et j'ai cru que je n'étais que cendre et que poussière. » 70, Job 42, 5, 6. Au reste, ceci se peut très bien entendre des yeux de l'esprit dont saint Paul dit, afin qu'il éclaire les yeux de votre cœur. Éphésiens 1, 18. Or, que Dieu se voie de ces yeux-là, c'est ce dont ne doute aucun chrétien qui accepte avec foi cette parole de notre Dieu et Maître. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Mais il reste toujours à savoir si on le verra aussi des yeux du corps, et c'est ce que nous examinons maintenant. Nous lisons dans l'Évangile, « Et toute chair verra le salut de Dieu », Luc 3, 6. Or, il n'y a aucun inconvénient à entendre ce passage comme s'il y avait. « Et tout homme verra le Christ de Dieu qui a été vu dans un corps, et qui sera vu sous la même forme, quand il jugera les vivants et les morts. » En effet, que le Christ soit le salut de Dieu, cela se justifie par plusieurs témoignages de l'Écriture, mais singulièrement par ces paroles du vénérable vieillard Siméon, qui, ayant pris Jésus enfant entre ses bras, s'écria « C'est maintenant, Seigneur, que vous pouvez laisser aller en paix votre serviteur, selon votre parole, puisque mes yeux ont vu votre salut. » Luc 2, 29, 30. Quant à ce passage de Job, tel qu'il se trouve dans les exemplaires hébreux, « Je verrai Dieu dans ma chair », Vulgate, Job 19, 26, il faut croire sans doute que Job prophétisait ainsi la résurrection de la chair, mais il n'a pas dit pourtant, « Je verrai Dieu par ma chair ». Et quand il l'aurait dit, on pourrait l'entendre de Jésus-Christ, qui est Dieu aussi, et qu'on verra dans la chair et par le moyen de la chair. Mais maintenant, en l'entendant de Dieu même, on peut fort bien l'expliquer ainsi, « Je verrai Dieu dans ma chair », c'est-à-dire, « Je serai dans ma chair, lorsque je verrai Dieu ». De même ce que dit l'apôtre, « Nous verrons face à face », ne nous oblige point à croire que nous verrons Dieu par cette partie du corps où sont les yeux corporels, lui que nous verrons sans interruption par les yeux de l'esprit. En effet, si l'homme intérieur n'avait aussi une face, l'apôtre ne dirait pas, mais nous, contemplant à face dévoilée la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, allant de clarté en clarté, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3:18. Nous n'entendons pas autrement ces paroles du psaume, approchez-vous de lui, et vous serez éclairés, et vos faces ne rougiront point. Psaume 33, 6. C'est par la foi qu'on approche de Dieu, et il est certain que la foi appartient au cœur et non au corps. Mais comme nous ignorons jusqu'à quel degré de perfection doit être élevé le corps spirituel des bienheureux, car nous parlons d'une chose dont nous n'avons point d'expérience et sur laquelle l'Écriture ne se déclare pas formellement, il faut de toute nécessité qu'il nous arrive ce qu'on lit dans la sagesse. Les pensées des hommes sont chancelantes, et leur prévoyance est incertaine. Sagesse 9, 41. Si cette opinion des philosophes que les objets des sens et de l'esprit sont tellement partagés que l'on ne saurait voir les choses intelligibles par le corps, ni les corporelles par l'esprit, si cette opinion était vraie, assurément nous ne pourrions voir Dieu par les yeux d'un corps, même spirituel. Mais la saine raison et l'autorité des prophètes se jouent de ce raisonnement. Qui, en effet, serait assez peu sensé pour dire que Dieu ne connaît pas les choses corporelles, et cependant il n'a point de corps pour les voir. Il y a plus. Ce que nous avons rapporté d'Élisée ne montre-t-il pas clairement qu'on peut voir les choses corporelles par l'esprit, sans avoir besoin du corps? Quand Jésus prit les présents de Naaman, le fait se passa corporellement, et cependant le prophète ne le vit pas avec les yeux du corps, mais par l'esprit. De plus, puisqu'il est constant que les corps se voient par l'esprit, pourquoi ne se peut-il pas faire que la vertu d'un corps spirituel soit telle qu'on voit même un esprit par ce corps, car Dieu est esprit. D'ailleurs, si chacun connaît par un sentiment intérieur, et non par les yeux du corps, la vie qui l'anime, il n'en est pas de même pour la vie de nos semblables. Nous la voyons par le corps, quoique ce soit une chose invisible. Comment discernons-nous les corps vivants de ceux qui ne le sont pas, sinon par ce que nous voyons en même temps et les corps et la vie que nous ne saurions voir que par le corps, mais la vie sans le corps se dérobe aux yeux corporels. C'est pourquoi il est possible et fort croyable que dans l'autre vie nous verrons de telle façon les corps du ciel nouveau et de la terre nouvelle que nous y découvrirons Dieu présent partout, non comme aujourd'hui, où ce qu'on peut voir de lui se voit, en quelque sorte, par les choses créées, comme dans un miroir et en énigme, Romains 1, 20, et d'une façon partielle, 1 Corinthiens 13, 12, et plus par la foi qu'autrement, mais comme nous voyons maintenant la vie des hommes qui se présentent à nos yeux. Nous ne croyons pas qu'ils vivent, nous le voyons. Alors donc, ou bien les yeux du corps seront tellement perfectionnés qu'on verra Dieu avec leur aide, comme on le voit par l'esprit, supposition difficile ou même impossible à justifier par aucun témoignage de l'Écriture, ou bien, ce qui est plus aisé à comprendre, Dieu nous sera si connu et si sensible que nous le verrons par l'esprit au-dedans de nous, dans les autres, dans lui-même, dans le ciel nouveau et dans la terre nouvelle, en un mot, dans tout être alors subsistant. Nous le verrons même par le corps dans tout corps, de quelque côté que nous jetions les yeux, et nos pensées aussi deviendront visibles, car alors s'accomplira ce que dit l'apôtre, « Ne jugez point avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, et qu'il porte la lumière dans les plus épaisses ténèbres. » Et qu'il découvre les pensées des cœurs, et chacun alors recevra de Dieu la louange qui lui est due. 1 Corinthiens 4:5. Chapitre 30. De l'éternelle félicité de la cité de Dieu et du sabbat éternel. Qu'elle sera heureuse cette vie où tout mal aura disparu, où aucun bien ne sera caché, où l'on n'aura qu'à chanter les louanges de Dieu, qui sera tout en tous, car que faire autre chose en un séjour où ne se peuvent rencontrer ni la paresse, ni l'indigence? Le psalmiste ne veut pas dire autre chose, quand il s'écrit, « Heureux ceux qui habitent votre maison, Seigneur, ils vous loueront éternellement. » Psaume 83:5. Toutes les parties de notre corps, maintenant destinées à certains usages nécessaires à la vie, n'auront point d'autre emploi que de concourir aux louanges de Dieu. Toute cette harmonie du corps humain dont j'ai parlé et qui nous est maintenant cachée, se découvrant alors à nos yeux avec une infinité d'autres choses admirables, nous transportera d'une sainte ardeur pour louer hautement le grand ouvrier. Je n'oserais déterminer quels seront les mouvements de ces corps spirituels, mais, à coup sûr, mouvement, attitude, expression, tout sera dans la convenance, en un lieu où rien que de convenable ne se peut rencontrer. Un autre point assuré, c'est que le corps sera un continent où l'esprit voudra, et que l'esprit ne voudra rien qui soit contraire à la dignité du corps, ni à la sienne. Là régnera la véritable gloire, loin de l'erreur et de la flatterie. Là le véritable honneur, qui ne sera pas plus refusé à qui le mérite que déféré à qui ne le mérite pas, nul indigne n'y pouvant prétendre dans un séjour où le mérite seul donne accès. Là enfin la véritable paix où l'on ne souffrira rien de contraire, ni de soi-même, ni des autres. Celui-là même qui est l'auteur de la vertu en sera la récompense, parce qu'il n'y a rien de meilleur que lui et qu'il a promis de se donner à tous. Que signifie ce qu'il a dit par le prophète ? « Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple » Lévitique 26:12. Sinon, je serai l'objet qui remplira tous leurs souhaits. Je serai tout ce que les hommes peuvent honnêtement désirer, vie, santé, nourriture, richesse, gloire, honneur, paix, en un mot tous les biens, afin que, comme dit l'apôtre, Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens 15:28. Celui-là sera la fin de nos désirs, qu'on verra sans fin, qu'on aimera sans dégoût, qu'on louera sans lassitude, occupation qui sera commune à tous, ainsi que la vie éternelle. Au reste, il n'est pas possible de savoir quel sera le degré de gloire proportionné au mérite de chacun. Il n'y a point de doute pourtant qu'il n'y ait en cela beaucoup de différence. Et c'est encore un des grands biens de cette cité, que l'on n'y portera point envie à ceux que l'on verra au-dessus de soi, comme maintenant les anges ne sont point envieux de la gloire des archanges. L'on souhaitera aussi peu de posséder ce qu'on n'a pas reçu, quoiqu'on soit parfaitement uni à celui qui a reçu, que le doigt souhaite d'être l'œil, bien que l'œil et le doigt entrent dans la structure du même corps. Chacun donc y possédera tellement son don, l'un plus grand, l'autre plus petit, qu'il aura en outre le don de n'en point désirer de plus grand que le sien. Et il ne faut pas s'imaginer que les bienheureux n'auront point de libre arbitre, sous prétexte qu'ils ne pourront plus prendre plaisir au péché. Ils seront même d'autant plus libres qu'ils seront délivrés du plaisir de pécher pour prendre invariablement plaisir à ne pécher point. Le premier libre arbitre qui fut donné à l'homme, quand Dieu le créa droit, consistait à pouvoir ne pas céder au péché et aussi à pouvoir pécher. Mais ce libre arbitre supérieur, qu'il doit recevoir à la fin, sera d'autant plus puissant qu'il ne pourra plus pécher, privilège qu'il ne tiendra pas de lui-même, mais de la bonté de Dieu. Autre chose est d'être Dieu, autre chose est de participer de Dieu. Dieu, par nature, ne peut pécher, mais celui qui participe de Dieu reçoit seulement de lui la grâce de ne plus pouvoir pécher. Or, cet ordre devait être gardé dans le bienfait de Dieu, de donner premièrement à l'homme un libre arbitre par lequel il pût ne point pécher, et ensuite de lui en donner un par lequel il ne puisse plus pécher, le premier pour acquérir le mérite, le second pour recevoir la récompense. Or, l'homme ayant péché lorsqu'il l'a pu, c'est par une grâce plus abondante qu'il est délivré, afin d'arriver à cette liberté où il ne pourra plus pécher. De même que la première immortalité qu'Adam perdit en péchant consistait à pouvoir ne pas mourir, et que la dernière consistera à ne pouvoir plus mourir, ainsi la première liberté de la volonté consistait à pouvoir ne pas pécher, la dernière consistera à ne pouvoir plus pécher. De la sorte, l'homme ne pourra pas plus perdre sa vertu que sa félicité. Et il n'en sera pourtant pas moins libre, car dira-t-on que Dieu n'a point de libre arbitre, sous prétexte qu'il ne saurait pécher? Tous les membres de cette divine cité auront donc une volonté parfaitement libre, exempte de tout mal, comblée de tout bien, jouissante des délices d'une joie immortelle, sans plus se souvenir de ses fautes ni de ses misères, et sans oublier néanmoins sa délivrance, pour n'être pas ingrate envers son libérateur. L'âme se souviendra donc de ses maux passés, mais intellectuellement et sans les ressentir, comme un habile médecin qui connaît plusieurs maladies par son art, sans les avoir jamais éprouvées. De même qu'on peut connaître les maux de deux manières, par science ou par expérience, car un homme de bien connaît les vices autrement qu'un libertin, on peut aussi les oublier de deux manières. Celui qui les a appris par science ne les oublie pas de la même manière que celui qui les a souffert, car celui-là les oublie en abdiquant sa connaissance, et celui-ci en dépouillant sa misère. C'est de cette dernière façon que les saints ne se souviendront plus de leurs maux passés. Ils seront exempts de tout maux, sans qu'il leur en reste le moindre sentiment, et toutefois, par le moyen de la science qu'ils posséderont au plus haut degré, ils ne connaîtront pas seulement leur misère passée, mais aussi la misère éternelle des damnés. En effet, s'ils ne se souvenaient pas d'avoir été misérables, comment, selon le psalmiste, chanterait-il éternellement les miséricordes de Dieu? Psaume 88, 2. Or, nous savons que cette cité n'aura pas de plus grande joie que de chanter ce cantique à la gloire du Sauveur qui nous a rachetés par son sang. Là cette parole sera accomplie. Tenez-vous en repos, et reconnaissez que je suis Dieu. Psaume 45, 11. Là sera vraiment le grand sabbat qui n'aura point de soir, celui qui est figuré dans la Genèse, quand il est dit, Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour, et il le bénit et le sanctifia, parce qu'il s'y reposa de tous les ouvrages qu'il avait entrepris. Genèse 2, 2, 3. En effet, nous serons nous-mêmes le septième jour, quand nous serons remplis et comblés de la bénédiction et de la sanctification de Dieu. Là nous nous reposerons, et nous reconnaîtrons que c'est lui qui est Dieu, qualité souveraine que nous avons voulu usurper, quand nous avons abandonné Dieu pour écouter cette parole du séducteur. Vous serez comme des dieux, Genèse 3:5. D'autant plus aveugle que nous aurions eu cette qualité en quelque sorte, par anticipation et par grâce, si nous lui étions demeurés fidèles au lieu de le quitter. Psaume 89, 9. Qu'avons-nous fait en le quittant? que mourir misérablement, mais alors, rétabli par sa bonté et rempli d'une grâce plus abondante, nous nous reposerons éternellement et nous verrons que c'est lui qui est Dieu, car nous serons pleins de lui et il sera tout en tous. Nos bonnes œuvres même, quand nous les croyons plus à lui qu'à nous, nous sont imputées pour obtenir ce sabbat, au lieu que, si nous venons à nous les attribuer, elles deviennent des œuvres serviles, puisqu'il est dit du sabbat. Vous n'y ferez aucune œuvre servile. Deutéronome 5, 14, d'où cette parole qui est dans le prophète Ézéchiel. Je leur ai donné mes sabbats comme un signe d'alliance entre eux et moi, afin qu'ils apprissent que je suis le Seigneur qui les sanctifie. Ézéchiel 20, 12. Nous saurons cela parfaitement, quand nous serons parfaitement en repos et que nous verrons parfaitement que c'est lui qui est Dieu. Ce sabbat paraîtra encore plus clairement, si l'on compte les âges, selon l'Écriture, comme autant de jours, puisqu'il se trouve justement le septième. Le premier âge, comme le premier jour, se compte depuis Adam jusqu'au déluge. Le second, depuis le déluge jusqu'à Abraham. Et, bien que celui-ci ne comprenne pas une aussi longue durée que le premier, il comprend autant de générations, depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ. L'évangéliste Matthieu compte trois âges qui comprennent chacun quatre générations. Un d'Abraham à David, l'autre de David à la captivité de Babylone, le troisième de cette captivité à la naissance temporelle de Jésus-Christ. Voilà donc déjà cinq âges. Le sixième s'écoule maintenant et ne doit être mesuré par aucun nombre certain de générations, à cause de cette parole du Sauveur. Ce n'est pas à vous de connaître les temps dont mon Père s'est réservé la disposition. Actes des Apôtres, 1, 7. Après celui-ci, Dieu se reposera comme au septième jour, lorsqu'il nous fera reposer en lui, nous qui serons ce septième jour. Mais il serait trop long de traiter ici de ces sept âges. Qu'il suffise de savoir que le septième sera notre sabbat, qui n'aura point de soir, mais qui finira par le jour dominical, huitième jour et jour éternel, consacré par la résurrection de Jésus-Christ et figurant le repos éternel, non seulement de l'esprit, mais du corps. C'est là que nous nous reposerons et que nous verrons, que nous aimerons et que nous louerons. Voilà ce qui sera à la fin sans fin. Et quelle autre fin nous proposons-nous que d'arriver au royaume qui n'a point de fin? Il me semble, en terminant ce grand ouvrage, qu'avec l'aide de Dieu je me suis acquitté de ma dette. Que ceux qui trouvent que j'en ai dit trop ou trop peu, me le pardonne, et que ceux qui pensent que j'en ai dit assez en rendent grâce, non à moi, mais à Dieu avec moi. Ainsi soit-il. Fin du tome 4e et dernier. Markendanarchive.org 2019, d'après abbaye saint-benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.